le 89.1, la radio culturelle à Québec. Bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Encore une fois, j'ai parcouru les internets pour vous, donc je vous ai trouvé une belle sélection de musique qu'on peut télécharger gratuitement. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ces pièces-là sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc c'est ça, vous vous rendez là pour télécharger les pièces. Ce soir, je fais un petit test Twitcam, donc si vous me suivez sur Twitter, vous avez le lien pour voir, vous allez pouvoir voir l'émission en direct, ou plutôt vous allez voir mon dos, donc venez faire un petit tour, venez voir ça. Donc c'est ça, on va commencer ce soir avec des artistes que j'ai trouvés principalement sur Jamendo, qui est un énorme site qui propose des artistes fabuleux qui partagent leur musique gratuitement sous licence Creative Commons. Donc, c'est ça, c'est un site que je ne vais pas voir souvent, mais malgré mon émission. J'ai un petit peu de misère à naviguer, donc je me suis fait de violence, puis je suis allé voir un peu plus aujourd'hui. Donc, on va débuter avec un Français qui vient de la région du Pays de la Loire. Il s'agit de Guy Hugu. Je vous fais passer sa pièce Gratte-poil, sa feature L'Omelette. Puis ensuite de ça, c'est un Allemand de la ville de Hambourg qui s'appelle Panique. Je vous fais passer sa pièce Electroniche Music. Vous allez voir, c'est un drôle de mélange musique, peut-être un peu voix cappella, mais électronique en même temps. Vous allez voir, c'est un drôle de type. Donc on débute tout de suite avec Deggy Hugu, la pièce Gratte-poil. Yeah. let's face the music. Stück. leise, weil es mich nicht stört. Das hört sich an wie Scheiße, das wird jetzt nicht gehört. C'était Panic, un artiste qui vient de Hambourg en Allemagne, sa pièce Electronician Music. Donc, un artiste vraiment intéressant. Je vous invite à aller faire un tour de son côté. Il y a des trucs pas mal pétés, ça vaut vraiment la peine. On avait ouvert l'émission avec Deggy Huggy, un Français qui vient de la région du Pays de la Loire. Donc, sa pièce Gratte-poil, c'était avec l'omelette. C'est Deggy Huggy qui est un beatmaker assez exceptionnel, qui a des trucs toujours vraiment intéressants. Donc, on poursuit Web Music avec des artistes qui publient sur Electrobel France. C'est un, je sais pas comment je pourrais décrire ça, un label, mais aussi plus forum. Les pièces que j'ai trouvées, c'est assez bien. Les artistes postent leurs pièces, puis ils peuvent avoir un peu de feedback. Donc, c'est toujours intéressant. Souvent, les pièces sont modifiées suite au feedback. Donc, c'est des trucs vraiment intéressants. Je vais débuter avec Hard Dog, français. Je vais passer sa pièce de Follower. Ensuite de ça, c'est l'omelette. Ça revient souvent dans le monde des netlabels, ce l'omelette-là, qui fait des trucs vraiment intéressants. Donc, un artiste qui vient de Montpellier et de la ville de Nîmes aussi. Je vais passer sa pièce Abstract Funk. Puis ensuite de ça, on va entendre Syndrome, la pièce La Vallée Noire. Puis enfin, un artiste de Nantes, Classic Sci-Fi, la pièce Chill Under. Vous écoutez Web Music à CKRL. Biggie, Danny Biggie, Montana Pal, Montana Pal, Danny Biggie, Montana Pal, Biggie, Danny Biggie, Montana Pal, Montana Pal, Danny Biggie, Montana Pal. Somebody was a material deal, a big pal. When I'm on a jump pal, you'll learn a big pal. Something like a mom, say, I had it for a bear. You're from when you walk alone, I've been there by a pair. Yeah. standard classic omelet. It's flat, French, and it's very lovely and tender and soft. And it's just really like just lightly coagulated eggs. Thank you. struggle. If you run a fast kid, you could die slow. Don't fight your bitch, you be a punk all your life, So we stay strapped, just to let brothers know. If you run a fast kid, you could die slow. I don't believe. Voici quelle doit être la prière de chaque jour. Portez un regard sur Québec, parlez de l'aspect communautaire, politique, environnemental. Ici Raymond Poirier. De quoi parlez-vous? Parlez des dossiers chauds et des grandes questions. Mais on ne demande pas mon avis. Bref, dressez une revue de presse critique, analytique. Le tout saupoudré de culture, de musique, de dégustation. Il n'y a pas de barrière. Vous le dites très bien. Avant 9h, tout est possible, du lundi au vendredi, de 7h à 9h. Je trouve qu'on ne doit pas compliquer les choses, on ne doit pas parler de choses abstraites. Actualité, société, culture, chronique, entrevue, réflexion. Vous les avez connus? Il faut pas avoir peur de mélanger tout ça. Oui, c'est très beau, mais ce n'est pas du cinéma. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Avant la pause, on entendait des artistes qui publient sur Electrobel France. Donc, tout de suite avant la pause, c'était Classic Sci-Fi, la pièce Chill Under, Classic Sci-Fi qui vient de la ville de Nantes. Avant ça, c'était Syndrome, la pièce La Vallée Noire. Puis enfin, c'est ça, toujours avant Syndrome, c'était L'Omelette, un artiste qui vient de Montpellier et de Nîmes. Donc, la pièce s'appelle Abstract Funk. Puis on avait débuté ce bloc Electrobel avec R-Dog, français aussi, qui vient de la région de Rhône-Alpes. La pièce s'appelle The Follower. Donc, comme je vous disais, c'est des artistes qui publient sur Electrobel France. Vous pouvez voir, ça prend la forme un peu d'un forum. Donc, souvent, les pièces sont postées sur le forum pour commentaires, puis selon les commentaires des utilisateurs, il y a des petits ajustements qui se font, donc c'est assez sympathique comme site. Je vous invite à aller faire un tour. Pour ça, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org, donc vous avez les liens vers les artistes, puis vous avez aussi accès à la balado-diffusion de l'émission. Si jamais vous manquez des bouts, c'est possible de réécouter ça. Je vous prépare la balado-diffusion à toutes les semaines depuis un méchant bout. Donc, c'est absolument impossible de manquer une émission de Web Music. Nous, on va poursuivre avec Maniac's Memory, une pièce quand même assez pétée. C'est qui s'appelle It's Not Jazz. C'est plutôt du free jazz, vous allez voir. J'adore cette pièce. Puis, ça va être suivi par Shawan Rising, la pièce Black Magic. c'était Shawan Rising, la pièce Black Magic. Avant ça, c'était Maniac's Memory, une pièce complètement folle du free jazz. La pièce s'appelle It's Not Jazz. Donc, des artistes que j'ai trouvés sur l'excellent site Jamendo. Si vous êtes un artiste, vous pouvez utiliser ce site pour publier votre musique et la distribuer de façon gratuite. Mais il y a aussi possibilité de créer une boutique pour des items rares. Donc, vous pouvez peut-être offrir un téléchargement en plus haute qualité. Vous pouvez offrir des albums. Donc, c'est un site qui aide les artistes à s'auto-publier sans avoir besoin de signer avec une compagnie. C'est ça qui est vraiment merveilleux du site. Donc, je vous présente encore d'autres artistes qui utilisent Jamendo pour publier leur musique. On va entendre tout de suite Old Bear, collectif qui vient de Paris. Je vous fais entendre la pièce My School. Ensuite de ça, c'est Mujaji. Je n'ai pas vraiment réussi à savoir d'où est-ce que venait cet artiste-là. Il se dit un artiste mondial. Donc, j'en ai absolument aucune idée. Sa pièce s'appelle Unicron Fumbles. Donc, à Web Music, on entend Old Bear. Thank you.

une autre pièce de hip-hop abstract par Mujaji. La pièce s'appelle Unicron Fumbles. Avant ça, c'était Old Bear qui vient de Paris, la pièce My School. Je vous rappelle que CKRL est en pleine campagne de membership. Pour un petit 25$, ça permet d'encourager votre radio favorite. Donc, le jour, vous avez juste à passer à la station ou nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous vendre une carte de membre. Nous, à Web Music, on a presque terminé. Il reste une pièce de Yansa. La pièce s'appelle La Porte. c'était Yansa, la pièce La Porte, donc c'est sur son album Empreinte. Ben, c'est déjà tout pour Webmusique. Je vous rappelle que vous pouvez visiter le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, si vous voulez plus d'informations à propos de l'émission, c'est la bonne place à se rendre. Pour la suite de la soirée à CKRL, le père François est en vacances, donc il m'a confié ses cassettes 8 tracks de son émission enregistrées au préalable. Donc vous allez pouvoir entendre le père François pour le jour du Seigneur, ça s'en vient tout de suite après la pause. Moi, ben, je vous dis bonne semaine sur les ondes de CKRL, puis revenez faire un tour à Webmusique dimanche prochain à compter de 20h30. Bonne nuit. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Vous êtes à l'antenne de CKRL.